Je viens de m'amuser, ouais, dans l'astral. Mais je viens en réalité de jouer avec l'astral, ouais. Et c'est ce que maintenant nous devrons pratiquer, ouais. Car si nous n'apprenons pas à jouer dans l'astral, alors l'astral pourra jouer avec nous, ouais. Ouais. Nous devons prendre en considération que nous n'allons pas apprendre à jouer avec l'astral uniquement pour la distraction. Non, non. Nous devons jouer avec l'astral uniquement pour nous initier au contrôle du voyage dans le monde astral. Ouais, ouais. Jouer avec l'astral demande une certaine habilité à placer sa conscience dans le monde de la mémoire, dans ce monde astral. Ouais. Cela veut dire que pour parvenir à jouer convenablement, vous devez avoir écouté les autres enregistrements qui précèdent celui-ci. Et vous devrez avoir appris à contrôler avec un minimum de succès le voyage dans la chambre, le voyage en Égypte et le voyage en Angleterre dans le passé. Oui, oui. Sinon, déception sur déception vous aurez. Oui, oui. La pratique est l'essence même du voyage astral. Oui. Ça peut prendre un peu plus que quelques mois pour devenir un bon maître voyageur de l'astral. Oui, oui. Mais ça prendra encore plus de temps pour que vous puissiez devenir le maître de votre pensée, ouais. Et par l'astral, cela est faisable, ouais. Jouer dans le monde de la mort, dans le monde de la mémoire, veut dire apprendre à bouger les choses. Alors, nous allons faire un voyage dans le monde de la mort. Mais cette fois-ci, nous allons nous exercer, ouais, à modifier l'astral, ouais, à modifier ce qui nous entoure dans le voyage astral, ouais, ouais. Alors, on s'étend exactement comme lorsqu'on a pratiqué le voyage pour aller en Égypte dans le passé et en Angleterre, ouais, ouais. Étendu sur le lit, ouais. Les jambes décroisées, les bras le long du corps, ouais. Ouais. Nous allons placer les paumes des mains vers le haut si nous pratiquons la nuit ou le soir, ouais, lorsque le soleil est couché, parce que l'atmosphère est beaucoup plus yin, et les paumes vers le haut, cela va nous aider à capter un peu d'énergie yan. Cela équilibre le corps, ouais. Pendant l'absence de la conscience. Ouais. Si nous pratiquons le jour, alors nous placerons la paume des mains vers le bas, ouais, pour capter de l'énergie tellurique, de l'énergie yin, parce que lorsque le soleil est visible, l'atmosphère est beaucoup plus yan, ouais. Ouais. Équilibre, il faut. Nous prenons nos quatre grandes respirations. Ouais. Par le nez, il faut inspirer. Ouais. Par le nez, il faut expirer. Ouais. Celui qui respire par la bouche devrait manger par le nez. Ouais. Quatre grandes respirations. Ouais. On y va. Deux autres, ouais. maintenant. Nous allons encore faire les exercices de base qui nous serviront un peu plus tard dans la superconscientisation du voyage astral. Nous devons parvenir à asseoir le corps imaginaire, c'est-à-dire le corps d'énergie. Et nous devons comprendre que ce corps n'est finalement pas imaginaire. Il est réel, mais vous ne pouvez le voir. Vous ne pouvez que le percevoir. C'est pourquoi on le croit imaginaire. L'imagination est de l'astral. Et l'imagination est ce qui, par l'intermédiaire de l'âme, transforme la matière. Oui, oui. C'est ce qui vous anime. Oui. On assoit le corps d'énergie. On bouge les membres. Oui. Faites-le. Faites-le. Vous devez avoir pratiqué. Donc, vous devez être capable de le faire. Oui. Oui, oui. Et maintenant, nous allons tenter quelque chose de neuf. Avec votre corps d'énergie, assis dans le lit, vous allez lentement le bouger de façon à l'asseoir sur le bord du lit. Oui, oui. Allons, allons. Si vous n'y parvenez pas, pratiquez cet exercice et éteignez l'enregistrement. Oui, oui. Oui. On essaie. On assoit le corps sur le bord du lit. On doit le détacher du corps physique. Oui, oui. Il n'y a pas de danger. Non. Non. Non. Si vous vous sentez trop bizarre, retournez dans votre corps physique. Comment? C'est simple. Bougez votre corps physique. Intellectualisez les choses. Et vous serez dedans. Oui, oui. Et progressivement, en répétant l'exercice, vous parviendrez à vous habituer. Et vous vous sentirez bien, oui. Maintenant, levez-vous debout. Oui, corps d'énergie, debout. Donnez un petit saut et traversez le plafond. Voilà, vous êtes à l'extérieur de votre chambre, oui. Voilà, comme lorsqu'on allait en Égypte. Oui, sauf que la technique de sortie était quelque peu différente. Mais voilà, à l'extérieur de la maison. Montons, montons. Et allons en orbite, encore une fois. Oui, oui. Il est plus facile de pratiquer en répétant les mêmes choses. Oui. Plus tard, vous innoverez lorsque ce cours sera terminé. Oui. En orbite. Voilà. Nous allons aller sur le bord de la mer, sur une plage. Nous flottons au-dessus de l'océan. Nous avançons en vitesse intéressante et nous voyons une île. Certains sont déjà rendus. Oui, oui. Petit pressé, va. On arrive sur le bord de la plage et on atterrit. Maintenant, regardez, sentez, écoutez la mer. Oui, sentez la chaleur. Vos pieds sont nus dans le sable. Oui, oui. Oui, jouer avec l'astral veut dire jouer avec l'astral. Oui. Regardez dans l'océan. Regardez la mer et arrangez-vous pour qu'il n'y ait rien au-dessus de la surface de l'eau. Ouais. Maintenant que je vous le demande, il se peut que des choses apparaissent. C'est parce que l'astral joue avec vous. C'est vous qui devez jouer avec. Alors lentement, progressivement, vous allez faire sortir un arbre de l'eau, oui. Lentement, vous voyez les feuilles apparaître. La tête de l'arbre se dessine, elle sort de l'eau. Elle apparaît à la surface. Vous poursuivez ce travail. Faites en sorte que l'arbre monte, monte. Et voilà qu'on voit encore plus l'arbre. On voit les feuilles. Il y a un oiseau dans l'arbre qui chante, oui. Et il n'est pas mouillé. Faites sortir l'arbre. Voici le tronc, oui. Faites-le monter. Faites sortir l'arbre. Faites-le monter plus haut. Ah, on arrive à la base. Oui, voici les racines qui apparaissent. Oui, continuez à faire monter l'arbre. Oui, oui, faites-le flotter au-dessus de l'océan. Oui, oui, soutenez-le. Tel est le jeu avec l'astral. Oui, oui. Ainsi, vous apprendrez à contrôler plus tard le voyage. Oui, regardez l'arbre. Et maintenant, faites-en sortir plusieurs de l'eau. D'autres arbres qui sortent. Oui, des têtes, des feuilles, des branches, des troncs. Oui, des souches, des racines. Oui, faites sortir des arbres. Il y en a plein. Et maintenant, effort. Oui, effort de contrôle. Tournez votre tête. Oubliez l'océan et regardez la plage. Regardez le sable à vos pieds. Oui. Alors, le sable à vos pieds. Aucun arbre ne doit apparaître. Vous devez devenir maître du jeu. Oui. Regardez vos pieds. Regardez le sable autour. Lentement, levez votre regard et observez la plage. Oui. Il n'y a rien sur la plage. Mais regardez qu'au loin, il y a une personne, oui, à cheval, qui se dirige vers vous. Oui, oui. Elle ne vous voit pas. Non. Elle croit peut-être vous voir. Mais elle passe progressivement tout près de vous. Oui, oui. Regardez le cheval. Oui. Voyez-en les détails. Oui. La personne arrête son cheval près de vous et elle regarde l'océan. Oh, il n'y a plus d'arbres. Oui. Et là, regardez bien le cheval. Voilà. Le cheval est maintenant une chèvre. Oui. Allez, le cheval est une chèvre et la personne est dessus la chèvre. Oui. Le cheval est une chèvre. Et la personne ne s'en rend pas compte. Corrigez, elle ne s'en rend pas compte. Vous devez jouer avec le monde de la mémoire et juxtaposer les mémoires que vous voulez. Cela vous protégera lorsque le monde de la mort, lorsque le monde astral essaiera de vous leurrer, lorsqu'il essaiera de vous attraper, lorsque trop dangereux sera un voyage, vous pourrez alors le changer à votre guise. Ouais. Important. Cela est, ouais. Regardez la chèvre. C'est maintenant un cochon. Oui. La chèvre se transforme en cochon. Oui. Oui. Et la personne qui est habillée d'une grande robe, une espèce de soutane bleue. Bleu. Oui, bleu. Elle doit être bleue. Sinon, vous ne regardez pas la même personne que moi. Bleu. Et sa soutane. Mais maintenant, vous allez changer la couleur de la soutane. Oui. Oui. La personne débarque de son cochon. Oui. Elle marche à côté. Et la soutane est d'une autre couleur. Il faut faire attention. Vous ne devez pas avoir vu une autre couleur avant d'avoir vu la soutane bleue. Et c'est vous qui devez choisir la couleur. Et non, la couleur se choisir elle-même. Car encore une fois, ce serait l'astral qui jouerait avec vous. Oui, oui. Donc, vous devez vous-même décidez de ce que vous voyez. Oui. Oui. Vous allez maintenant observer à l'intérieur, derrière la plage. Voyez. Il y a des tentes. Il y a des tentes. Et des gens qui se font cuire des choses sur des feux à l'extérieur de leurs tentes. Oui. Oui. Mais regardez que progressivement les tentes se déforment. Oui. Les tentes se déforment. Elles grandissent. Elles grandissent. Elles s'élèvent. Elles montent. Elles sont hautes. Elles touchent toujours à terre. Oui. Mais elles mesurent maintenant plusieurs étages de haut. Oui. Des fenêtres apparaissent. Oui. Des portes. Des balcons. Oui. Oui. Regardez l'hôtel moderne apparaître. Vous devez contrôler l'astral Regardez, l'hôtel. Ouais. Eh, écoutez, les bruits nouveaux. Une automobile arrive. Oui, elle se stationne près des autres autos. Oui. Plus personne ne fait de feu à l'extérieur, non. Ils se baignent dans la piscine d'eau salée. Ouais. Là, où il n'y a pas de requins. Ouais. Et là où il n'y a pas encore de requins. Parce que vous allez mettre un requin. Oui. Il n'y a pas de danger pour les personnes qui se baignent. Non. Parce que vous êtes dans le monde astral et que ces personnes font partie du monde astral, elles font partie de votre jeu. Oui. Vous allez lentement vous déplacer vers la piscine, en marchant ou en flottant. Moi, je préfère flotter. C'est moins salissant pour les pieds. Oui. Approchez de la piscine. Regardez. Écoutez. Il n'y a pas de requin dans la piscine. Pas encore. Il n'y en a pas. Encore. Prenez le temps de bénéficier du paysage. Ouais. Et d'observer les gens. Ouais. Observez autour de vous. Écoutez les bruits et les paroles. Vous devez mettre un peu d'attention dans l'écoute, dans le système auditif. Ouais. Sentez, ouais, vous devez sentir. Pas uniquement voir, non. Et vous devez percevoir, ouais, autour de vous. Et là, vous regardez les gens qui se baignent. Et vous devrez faire un effort de contrôle dans ce jeu. Personne dans la piscine ne verra le requin que vous allez créer. Ouais. Et lentement, vous devez voir se dessiner une forme sombre sous l'eau. Ouais. Elle bouge lentement. Elle approche de la surface. Ouais. Et un aileron sort de l'eau. Une nageoire dorsale. Ouais. Et elle fend l'eau autour des baigneurs. Ouais, regardez. Vous devez contrôler la panique des baigneurs. Personne ne voit le requin, donc personne n'a peur. Oui. C'est cela, jouer avec l'astral. Oui. Maintenant, vous allez descendre dans l'eau. Oui. Vous aussi. Oui. Et le requin va vous apercevoir. Oui. Il n'y a pas de danger, non. Car vous êtes dans l'astral. Oui. Et ce requin qui fonce droit sur vous, regardez-le. La gueule grande ouverte, oui. Les dents et les mâchoires prêtes à vous goûter, oui. Ce requin est une sardine. 2 pouces de long, oui. Voyez-le. Il vient vous heurter l'épaule. Et il ne peut rien faire car il est une sardine. Oui. Tel est le jeu de l'astral lorsque vous le contrôlez. Vous devez comprendre. Oui. Oui. Vous ne devez pas avoir peur. Vous devez contrôler l'extérieur, le monde astral. Oui. Vous allez vous élever de la piscine. Et évidemment, vous n'êtes pas mouillé. Oui. Nous allons retourner en orbite, remonter au-delà des nuages. Oui. Oui. Et nous allons revenir dans notre chambre. Oui. Dans notre corps. Oui. Vous savez quoi faire pour retrouver le corps. Oui. Oui. Et vous savez ce qu'il faut faire maintenant que nous sommes dans le corps, que vous êtes dans le vôtre et moi dans le mien. Que devez-vous faire? Vous devez le bouger. Oui, et vous devez l'étirer. Oui. Oui. Parce qu'en l'étirant, vous replacez les énergies et vous ne serez pas de mauvaise humeur après un voyage astral. Oui. D'ailleurs, le matin, vous devriez vous étirer pour vous lever de meilleures humeurs. Oui. Oui. Oui. Vous devez éteindre l'enregistrement ici. Oui. Vous étirez. Vous promenez un peu. Et dans quelques minutes ou dans quelques heures, vous reprendrez l'écoute de l'enregistrement. Ici même. Oui. Oui. Vous devez éteindre l'enregistrement. Éteignez-le maintenant. Oui. Oui. Jouer avec le monde astral ne veut pas dire narguer le monde astral. Cela ne veut pas dire non plus développer chez soi l'impression illusoire du pouvoir. Vous ne devez pas devenir orgueilleux. Plus vous jouerez avec l'astral, plus cela vous servira comme moyen de protection lorsque vous irez plus loin dans vos voyages. Oui. Oui. Le jeu ne doit pas s'étendre à des individus que vous connaissez. Non. Pour pratiquer le jeu, soit en écoutant l'enregistrement, donc en étant guidé par moi-même, soit en le pratiquant en solo. Car maintenant, vous devez pratiquer un peu plus souvent seul. Oui. Alors, vous devrez trouver des régions historiques sur la planète. Des régions que vous penserez inventer. Alors que dans l'astral, on n'invente rien. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous rencontrerez est réel dans ce monde. Oui. Alors, vous devrez pratiquer le voyage, pratiquer le jeu. Ne cherchez pas présentement à entrer en communication avec les entités du monde de la mort ou avec les mémoires. De l'autre côté de cet enregistrement, je vous expliquerai, oui. Je vous expliquerai comment contrôler le voyage. Oui. Oui. Chaque chose en son temps. Apprenez à jouer avec la forme, à jouer avec l'illusion de ce qui vous entoure dans le monde de la mort avant de vouloir procéder à l'apprentissage du contrôle même de la circulation dans le monde de la mort. Oui. Oui. Oui. La patience. Et je répète encore une fois. Oh oui, que je le répète. On ne doit faire confiance à rien. Du monde astral, c'est de l'information. Et c'est nous qui devrons déterminer ce que l'on va faire avec. C'est votre karma de voyager dans l'astral. Je ne suis donc absolument pas attaché à votre karma. Si vous faites ce que j'instruis, alors vous bénéficierez du monde astral dans le développement d'une conscience qui, lorsque vous serez prêt et prête, vous propulsera au-delà du monde astral, dans un monde de savoir. Votre cheminement ne coupe pas le mien. J'instruis parce que je suis un instructeur, mais je ne supporte pas parce que je ne suis pas un supporteur. Cela ne veut pas dire qu'il y a des dangers qui vous guettent. Cela veut dire que vous êtes libre. Oui. Oui. Donc, que vous ne me devez rien et que je ne vous dois rien. Oui. Fin de l'enregistrement. Pratiquez avant de poursuivre.